Chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus. Pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent de leur montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus leur répondit en ces mots: Au coucher du soleil, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge. Et tôt le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapables d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu demandent un miracle, mais aucun miracle ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Puis il les laissa et partit. Quand les disciples passèrent de l'autre côté du lac, ils oublièrent de prendre du pain. Jésus leur dit alors, « Faites attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples se mirent à dire entre eux, « Ils parlent ainsi parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus s'aperçut de ce qu'ils disaient et leur demanda, « Pourquoi dire entre vous, c'est parce que nous n'avons pas de pain? Comme votre foi est petite, ne comprenez-vous pas encore? Ne vous rappelez-vous pas les 5 pains que j'ai rompus pour les 5 000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées? Et ne vous rappelez-vous pas les 7 pains rompus pour 4 000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors les disciples comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus se rendit dans la région proche de la ville de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. Ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. » Puis Jésus ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant, « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort, et le troisième jour, je ressusciterai. » Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu cherches à me faire tomber dans le péché, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Y a-t-il quelque chose qu'un homme puisse donner pour racheter sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il paiera chacun selon la façon dont il aura agi. Je vous le déclare, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. »